Chapitre 19. Alors Pilate ordonna de prendre Jésus et de le frapper à coups de fouet. Les soldats tressèrent une couronne avec des épines et la posèrent sur la tête de Jésus. Ils le revêtirent aussi d'un manteau rouge foncé. Ils s'approchaient de lui et lui disaient « Salut, roi des Juifs !» Et ils lui donnaient des gifles. Pilate sortit de nouveau et dit à la foule « Écoutez, je vais vous l'amener ici, dehors, afin que vous compreniez que je ne trouve aucune raison de condamner cet homme. » Jésus sortit donc, il portait la couronne d'épines et le manteau rouge foncé. Et Pilate leur dit, « Voilà l'homme !» Mais lorsque les chefs des prêtres et les gardes le virent, ils crièrent, « Cloue-le sur une croix ! Cloue-le sur une croix !» Pilate leur dit, « Prenez-le et clouez-le vous-même sur une croix, car moi, je ne trouve pas de raison de le condamner. » « Nous avons une loi, lui répondirent les Juifs, et selon cette loi, il doit mourir, car il a déclaré qu'il était le Fils de Dieu. » Quand Pilate entendit ces mots, il eut encore plus peur. Il rentra dans le palais et demanda à Jésus, « D'où es-tu venu ?» Mais Jésus ne lui donna pas de réponse. Pilate lui dit alors, « Tu ne veux pas me parler? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher et que j'ai aussi le pouvoir de te faire clouer sur une croix? Tu n'as aucun pouvoir sur moi, lui répondit Jésus, à part celui que Dieu t'a accordé d'en haut. C'est pourquoi l'homme qui m'a livré à toi est plus coupable que toi. » Dès ce moment, Pilate cherchait un moyen de relâcher Jésus. Mais les Juifs se mirent à crier, « Si tu relâches cet homme, tu n'es pas un ami de l'empereur. Tout homme qui se déclare roi est un ennemi de l'empereur. » Quand Pilate entendit ces mots, il fit amener Jésus dehors. Il s'assit sur le siège du juge, à l'endroit appelé place pavée, qu'on nomme Gabata en hébreu. C'était la veille de la fête de la Pâque, vers midi. Pilate dit aux Juifs, « Voilà votre roi. » Mais ils se mirent à crier, « À mort! À mort! Cloue-le sur une croix! » Faut-il que je cloue votre roi sur une croix? Leur dit Pilate. Les chefs des prêtres répondirent, Nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur. Alors Pilate leur livra Jésus pour qu'on le cloue sur une croix. Ils se saisirent donc de Jésus. Jésus sortit de la ville, emportant lui-même sa croix, pour aller à un endroit appelé le lieu du crâne, qu'on nomme Golgotha en hébreu. Là, les soldats clouèrent Jésus sur la croix. En même temps, ils mirent aussi deux autres hommes sur des croix, de chaque côté de Jésus. Pilate ordonna également de faire un écriteau et de le mettre sur la croix. Il portait cette inscription, « Jésus de Nazareth, le roi des Juifs ». Beaucoup de Juifs lurent cet écriteau, car l'endroit où l'on avait mis Jésus en croix était près de la ville, et l'inscription était en hébreu, en latin et en grec. Alors les chefs des prêtres juifs dirent à Pilate, « Tu ne dois pas laisser cette inscription « le roi des Juifs », mais tu dois mettre « Cet homme a dit « Je suis le roi des Juifs ».» Pilate répondit, « Ce que j'ai écrit doit rester écrit. » Quand les soldats eurent cloué Jésus sur la croix, ils prirent ses vêtements et les divisèrent en quatre parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa robe, qui était sans couture, tissée en une seule pièce, du haut en bas. Les soldats se dirent les uns aux autres, « Ne déchirons pas cette robe, mais tirons au sort pour savoir à qui elle appartiendra. » C'est ainsi que devait s'accomplir le passage de l'Écriture qui déclare, « Ils ont partagé mes habits entre eux, et ils ont tiré au sort mon vêtement. » Voilà ce que firent les soldats. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie, la femme de Clopas, et Marie de la ville de Magdala. Jésus vit sa mère, et auprès d'elle, le disciple qu'il aimait. Il dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, comme Jésus savait que maintenant tout était achevé, Il dit, pour accomplir le texte de l'Écriture, « J'ai soif ». Il y avait là un vase plein de vinaigre. Alors les soldats trempèrent une éponge dans le vinaigre, la fixèrent à une branche d'hysope et l'approchèrent de la bouche de Jésus. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, « Tout est achevé ». Puis il baissa la tête et mourut. C'était la veille du sabbat, et les Juifs ne voulaient pas que les corps restent sur les croix durant le sabbat, car ce sabbat-là était une journée importante. Ils demandèrent donc à Pilate de faire briser les jambes des crucifiés et de faire enlever les corps. Alors les soldats vinrent et brisèrent les jambes du premier, puis du second de ceux qu'on avait mis en croix en même temps que Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, ils virent qu'il était déjà mort. C'est pourquoi ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais un des soldats lui perça le côté avec sa lance, et du sang et de l'eau en sortirent aussitôt. L'homme qui rapporte ces faits les a vus, et ce qu'il rapporte est vrai. Il sait, lui, qu'il dit la vérité, afin que vous aussi vous croyiez. Car cela est arrivé pour que ce passage de l'Écriture s'accomplisse, on ne brisera aucun de ses os. Et un autre texte dit encore, ils regarderont à celui qu'ils ont transpercé. Après cela, Joseph de la ville d'Arimathée demanda à Pilate la permission d'emporter le corps de Jésus. Joseph était un disciple de Jésus, mais en secret parce qu'il avait peur des Juifs. Et Pilate le lui permit. Joseph vint donc et emporta le corps de Jésus. Nicodème, cet homme qui était allé trouver une fois Jésus pendant la nuit, vint aussi et apporta environ 30 kilos d'un mélange de myrrhe et d'aloès. Tous deux prirent le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandes de lin, en y mettant les huiles parfumées, comme les Juifs ont coutume de le faire quand ils enterrent quelqu'un. À l'endroit où l'on avait cloué Jésus sur la croix, il y avait un jardin, et dans ce jardin il y avait un tombeau neuf dans lequel on n'avait jamais mis personne. Comme c'était la veille du sabbat des Juifs et que le tombeau était tout proche, ils y déposèrent